Phase de bleu dans le virage, ma vie, l'espoir par la vie. Visez au vert, je veux un gosse rapide, sans podcast à tire. Tu sais très bien que l'ennemi veut te baiser, pourquoi tu tends la perche? Le monde est moche, le monde te laisse à terre. Faire la manche à perdre, si c'est le face à mes défaites, c'est vrai. Libre à pizza, le CV. L'être humain, fils de pute, tu le sais, j'ai pas lâché mes rêves. Tout devient sombre quand mes pensées me rongent, mes veines qui coulent du son. Battement du cœur qui fait résonner l'âme, qui fait résonner l'âme. Flash à la main, la vie de ma mère c'est dur, la vie de ma mère c'est sûr. Flash à la main, la vie de ma mère c'est dur, la vie de ma mère c'est sûr. Je vais chercher le broli que j'ai pas choisi. Je vais te faire du mal, faut bien que je paralyse. Ce soir je suis en danger, je suis seul dans ma folie. Presser la détente, soigner mon insomnie. Mon ami m'a trahi, ce soir j'ai pas sommeil. Flash à la main, ce soir j'ai pas sommeil. Mon ami m'a trahi, ce soir j'ai pas sommeil. Flash à la main, ce soir j'ai pas sommeil. Un soir d'hiver, le froid dans le dos te caresse, vengeance auto-caresse. Flash à la main, je n'ai plus aucun rêve, je suis seul à comparer. Devant la juge, à cause du vote carré, car il me fait plus le carême. Je suis dans la go, va de 60, j'oublie avec la plus jolie. Dégradé blanc, celui qui t'a tes plans, celui qui bouge des glands. Je prends soin des miens, j'ai déjà perdu des chairs, mon cœur qui fond le dégel. J'ai pris son aime en espérant de la ken, elle est pas claquée. J'ai double face, je te présente laquelle, celle qui est venue draguer. Flash à la main, la vie de ma mère c'est dur, la vie de ma mère c'est sûr. Flash à la main, la vie de ma mère c'est dur, la vie de ma mère c'est sûr. Je vais chercher le broli que j'ai pas choisi. Je vais te faire du mal, faut bien que je paralyse. Ce soir je suis en danger, je suis seul dans ma folie. Presser la détente, soigner mon insomnie. Mon ami m'a trahi, ce soir j'ai pas sommeil. Flash à la main, ce soir j'ai pas sommeil. Mon ami m'a trahi, ce soir j'ai pas sommeil. Flash à la main, ce soir j'ai pas sommeil. Bang, j'ai trop bu la taille, à deux doigts de prendre un mur. Bang, ça m'apprendra peut-être à vouloir faire le dur. Bang, j'ai trop bu la taille, à deux doigts de prendre un mur. Bang, ça m'apprendra peut-être à vouloir faire le dur. Bang, j'ai trop bu la taille, à deux doigts de prendre un mur. Bang, ça m'apprendra peut-être à vouloir faire le dur. Bang, j'ai trop bu la taille, à deux doigts de prendre un mur. Bang, ça m'apprendra peut-être à vouloir faire le dur. C'est très bien que l'ennemi peut.